Vous écoutez France Culture. Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire du paysage dans la fabrique de l'histoire. Après avoir entendu ou réentendu ce lundi le grand paysagiste français Michel Corajou, puis hier avoir plongé dans le tableau peint sur la plage de Trouville en 1870 par un jeune peintre, Claude Monet, et avant demain de nous demander si la représentation du paysage était bien née, comme on le dit souvent à la Renaissance, du moins le paysage à l'occidental, nous allons ce matin nous demander comment est né en peinture ce qu'on appelle le paysage romantique, en compagnie de Périne Kervran, qui a préparé cette semaine avec nous, et grâce aux textes qui seront lus pour nous par Nathalie Canoui, qui sont signés Hugo, Kleist ou encore Baudelaire, nous allons nous demander justement si théorie et pratique coexistent aussi facilement que cela dans le paysage romantique, en compagnie de Elisabeth Desculteaux. Elle est directrice de recherche au CNRS, elle sera bientôt professeure à la chaire Humboldt de l'université de Halle. Elle est auteure de Peindre le paysage, discours théorique et renouveau pictural dans le romantisme allemand, paru aux éditions du Lérault. Yvon Lescamp est également avec nous. Il est maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle. Il est auteur du Paysage romantique et l'expérience du sublime chez Champvallon. Et Pierre Vatt est professeur d'histoire de l'art à Paris 1 Panthéon Sorbonne. Il est auteur, entre autres, de Naissance de l'art romantique chez Champflant-Marion, qui était donc sa thèse, et également, plus récemment, de Turner, menteur magnifique. C'est chez Azan. Mais commençons tout de suite cette émission où tous les textes seront lus pour nous par Nathalie Canoui, par un magnifique texte de John Keats, l'automne. Saison de brume et de moelleuse profusion, tendre ami du soleil qui porte la maturité, avec lui conspirant à bénir d'une charge de fruits les treilles qui vont courant le long des toits de chaume, à courber sous les pommes les arbres moussus des fermettes et à gorger de suc tous les fruits jusqu'au cœur, à boursoufler la courge et grossir les coques des noisettes d'un succulent noyau, à faire éclore plus et toujours plus encore de fleurs tardives en pâture aux abeilles, au point qu'elles croient que les chaudes journées jamais ne cesseront, tant l'été à plein bord a rempli leurs visqueux rayons. Où sont les chansons du printemps? Oui, où sont-elles? N'y pense plus. Tu as toi aussi ta musique, tandis que les stries des nuages fleurissent le jour qui doucement se meurt et teinte les plaines des teules d'une touche rosée. Alors, en un cœur plaintif, les petits moucherons se lamentent parmi les saules de la rivière et montent ou retombe, selon que le vent vit ou meurt. Et les agneaux déjà grands bêlent haut depuis les confins des collines, les grillons des haies chantent, et voici qu'en doux trille le rouge-gorge siffle dans un jardin clos, et que les hirondelles qui s'assemblent gazouillent dans les cieux. Bonjour Pierre Vatt, vous êtes spécialiste d'histoire de l'art évidemment, puisque vous êtes professeur à Paris-Sorbonne, et particulièrement de l'art anglais. Vous êtes spécialiste de Turner, de Constable. Quand on écoute un poème de Keats, par exemple, comme celui-ci, on le place comment dans cette question qui va nous occuper pendant une heure, à savoir la question du romantisme, à la fois en littérature, mais surtout en peinture? Mais même si on est historien de l'art, on prend le texte de Keats, évidemment, avec plaisir, parce que, précisément, surtout quand on s'occupe de romantisme, le romantisme, ce n'est pas une catégorie spécifique à l'histoire de l'art. En fait, le romantisme, c'est une vision du monde, et c'est une vision du monde qui englobe un certain nombre de pratiques, pratiques littéraires, pratiques picturales. On le verra énormément avec l'Allemagne aussi, pratiques de type philosophique. Et donc, finalement, c'est une manière de s'emparer des arts et du domaine de la pensée pour renouveler profondément notre vision du monde. Perrine Quinvrant. Oui, parce que Pierre Vatte, le romantisme, c'est aussi une réaction. Une réaction, comme souvent, à ce qui précède. Et là, en l'occurrence, une réaction au classicisme. Oui, alors, les choses sont assez compliquées. Mais globalement, on peut dire que le romantisme, je reprends cette expression de chercheur qui s'appelle Louis Esser, est une sorte d'autocritique de la modernité. C'est-à-dire une façon dont la modernité a généré en son sein, notamment au moment des Lumières, pour le dire de manière un petit peu trop rapide sans doute, sa propre autocritique et a conçu tout un mouvement de réaction contre ce qu'on appellerait le triomphe de la rationalité. Il y a une œuvre qui est assez emblématique de ça, c'est une œuvre de William Blake, si on veut rester dans le domaine anglais, une œuvre célèbre où il fait une sorte de portrait, de présentation de Newton. Donc Newton, c'est vraiment le héros des Lumières, c'est l'inventeur de la physique moderne, c'est l'homme à partir duquel on peut penser et comprendre le monde sur un modèle de connaissance, qui est un modèle distancié, analytique, critique, et qui se veut scientifique. Et William Blake peint Newton recroquevillé sur lui-même, plongé au fond de la mer, en train d'observer quelque chose au fond de l'eau. Et ce portrait de Newton, c'est une sorte d'anti-portrait dans lequel il essaye de fonder un nouveau mode de connaissance, un mode de connaissance anti-newtonien, parce que pour lui, globalement, cette pensée scientifique, une pensée qui provoque ce qu'on appellerait un désenchantement du monde, une perte finalement du sens métaphysique du monde. Garde-toi du froid savoir encyclopédique, de la ratiocination impie, car il tue le cœur, et lorsque le cœur et l'âme sont morts, dans l'homme, l'art ne peut y habiter. C'est Caspar David Friedrich qui écrit cela. Elisabeth Desculteaux, vous êtes spécialiste du romantisme allemand. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, qu'y a-t-il de particulier par rapport à ce que vient de dire Pierre Vatte dans ce romantisme allemand? Vous semblez expliquer dans votre travail publié donc aux éditions Delero, qui est issu de votre thèse, vous semblez expliquer qu'il y a là une occasion saisie par les Allemands, deuxième moitié du XVIIIe siècle, de se distinguer dans l'espace artistique, philosophique de l'Europe de l'époque, de se distinguer en saisissant cette occasion donc de créer un mouvement un peu nouveau, justement, qui s'appellera plus tard le romantisme. Oui, il y a une double occasion en fait pour les artistes et les théoriciens de l'art allemand. D'une part, on trouve dans la réflexion sur les genres picturaux en général en Allemagne à la fin du XVIIIe, cette réflexion que le paysage a toujours été négligé au fond et qu'on n'en a pas véritablement fait une analyse esthétique digne finalement du genre. C'est une idée qui est présente par exemple dans les textes de Herder. Et d'autre part, la deuxième occasion importante que représente le paysage donc, pour les Allemands, c'est en quelque sorte sa dimension nationale. C'est-à-dire que, notamment avec Caspar David Friedrich, le paysage devient, le paysage pictural devient l'occasion de représenter des pays véritablement allemand, avec des motifs allemands, donc une géographie allemande du paysage, les paysages du Harz par exemple, dans les tableaux de Caspar David Friedrich, une série aussi de formes végétales directement empruntées à l'Allemagne, notamment des modèles de chênes tout particulièrement présents, et donc cette double occasion à la fois marquage théorique en quelque sorte d'un côté et d'autre part présentation d'un paysage national a été véritablement saisie par les peintres et par les théoriciens de l'art allemand de la fin du XVIIIe et du début du XIXe. Alors on parlait tout à l'heure avec Pierre Vatte de réaction. En fait, c'est aussi une réaction à la classification classique des arts qui rendait justement ce paysage, Elisabeth Desculteaux, qui le plaçait dans les arts mineurs, contrairement à la peinture d'histoire qui, elle, était la grande peinture. Puisqu'elle représentait soit des personnages de la Bible, soit des personnages historiques, mais en tout cas des hommes et des femmes, donc pris dans la tourmente de l'histoire. Et donc là, d'un seul coup, peindre le paysage, c'est faire une véritable petite révolution, c'est placer ce qui est en dernier dans la hiérarchie des arts au sommet d'une certaine façon. Oui, il y a un mouvement très fort de renversement effectivement de la hiérarchie des genres qui est tout particulièrement présent chez les peintres allemands et qui est en permanence cité par exemple dans les textes de Caspar David Friedrich sur ses propres tableaux et sur les tableaux de ses contemporains. Donc une volonté de renverser cette hiérarchie qui plaçait classiquement effectivement la représentation humaine au sommet et donc bien sûr la peinture d'histoire. On trouve donc à partir des années 1760-1770 dans des textes de Herder et puis ensuite dans des textes d'auteurs romantiques comme August Wilhelm Schlegel, Philippe Otto Runge, cette idée que le paysage est l'art de l'avenir, un art qui fondé d'abord sur la représentation de la nature, de la nature qui n'est pas justement inanimée, mais animée d'une vie qui n'est pas la vie humaine, mais qui est tout aussi digne dans sa représentation que la représentation humaine. Périne Carvran. Oui, Yvon Le Scanf, peut-être on peut parler aussi de la question du sublime, c'est-à-dire que c'est dans ce paysage, est-ce qu'on peut y voir? Est-ce qu'on peut y voir le divin? Est-ce qu'on peut y voir finalement une expression du sentiment humain? C'est aussi sur cette question-là que travaillent les penseurs à l'époque et les peintres. Oui, et pour justement faire une transition, le sublime n'apparaît pas par hasard. Il apparaît justement parce qu'il est la catégorie esthétique émergente qui va permettre qui va permettre une assomption esthétique, une réévaluation esthétique de paysages qui jusque-là sont caractérisés par l'esthétique classique comme affreux laid. C'est-à-dire que à partir du moment où le nord de l'Europe émerge historiquement et économiquement aussi, l'Angleterre c'est aussi déjà sa puissance économique qui s'impose. À partir de ce moment-là, le sublime arrive, j'allais dire, de façon concomitante avec la découverte de paysages qui, a priori, sont des paysages laids et qui vont, grâce à cette catégorie esthétique, en effet, être réévalués et permettre à ceux qui entrent dans l'histoire, c'est-à-dire ces peuples modernes, romantiques du Nord, de valoriser en effet leur nation et leur héritage national. Il ne faut pas oublier là-dedans, effectivement, Pierre Watt, l'invention d'un poème du Nord, d'un poète du Nord, à savoir Ossian, qui a aussi une importance dans ce paysage qu'on est en train de dresser, de ce qui permet l'émergence de ce paysage romantique, ce barde du Nord, donc, qui va avoir tant de succès dans l'Europe, un peu comme plus tard Walter Scott, donc dans l'Europe de toute cette première moitié du 19e siècle en particulier. Oui, vous voulez parler de Ossian, qui est une géniale invention ou mystification littéraire due à un homme qui s'appelle James Macpherson, qui prétendait avoir retrouvé les textes d'un barde nordique et qui offrait finalement à cette Europe du Nord la mythologie qui lui manquait et qui lui offrait une sorte d'équivalent de Homère, mais dans la version du Nord. En fait, c'est vraiment une histoire presque géopolitique du Nord contre le Sud et d'offrir un Homère moralisé, parce que quand on lit Homère, c'est pas extrêmement moral, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de sexe, beaucoup de tromperies, beaucoup d'horreurs. Et donc là, ça offrait une sorte de version moralisée qui permettait cette justification. Et les brumes qui vont avec ces paysages du Nord et qu'on va retrouver dans tous les paysages calédoniens ou les paysages écossais de peinture, mais aussi dans tout un tas d'autres peintres, chez tout un tas d'autres peintres romantiques. En fait, ça renvoie à ce que disait Elisabeth Descultos sur la question nationale, sur la question politique dans le fond. C'est-à-dire de fonder la légitimité d'un paysage nordique qui donne une identité spécifique. Mais peut-être juste une remarque, ce qui est très frappant, c'est que quand on essaye de voir cette invention du paysage romantique, on s'aperçoit que d'un point de vue géographique, il faut effectivement aller prioritairement en Grande-Bretagne et en Allemagne, et pas en France, par exemple. Et du côté de la... Alors, pour dire manière majoritaire, du côté de l'Allemagne, on est essentiellement dans un contexte protestant, du côté de l'Angleterre, dans un contexte anglican, c'est-à-dire dans deux pays où, précisément, la peinture d'histoire à sujet biblique n'est pas possible, ne peut pas exister. Dans le protestantisme, on ne représente pas ce genre de scène. Donc il y a aussi, propos d'occasion, une vraie occasion, et il s'agit en fait de faire, non pas simplement de la peinture de paysage, en disant la peinture de paysage c'est important aussi, c'est de faire de la peinture de paysage l'objet d'une sorte de relève de la peinture d'histoire. C'est par la peinture de paysage qu'on va reconduire l'émission du grand genre que l'on considère, un certain nombre d'Allemands le disent, comme un genre mort. Elisabeth Descultos. Oui, et c'est d'ailleurs tout à fait vrai, notamment pour Philippe Otto Runge, qui était lui-même un protestant convaincu et qui thématise véritablement, ostensiblement, cette question religieuse en expliquant que précisément la représentation de la nature permet d'échapper en quelque sorte à l'interdit biblique de représentation de Dieu, puisque la nature est entièrement habitée par Dieu, mais n'est pas l'image de Dieu. Et c'est une pensée extrêmement présente dans ces textes. Et c'est ce qui qui motive bien sûr aussi la dimension religieuse extrêmement présente dans ces tableaux de Philippe Autorongueux, où on ne voit jamais de symboles religieux, pas de croix, etc., mais où la dimension religieuse est en permanente présente. Alors, vous évoquiez tout à l'heure, Perrine Cavran, avec Yvan Le Scanf, la question du sublime, un texte de Kant daté de 1764, lu pour nous par Nathalie Canoui. Le sentiment assez délicat que nous voulons analyser ici est essentiellement de deux sortes. Il s'agit du sentiment du sublime et du sentiment du beau. Nous sommes agréablement touchés par les deux, mais d'une manière fort différente. Le spectacle d'une montagne dont les sommets enneigés dépassent les nuages, la description d'une violente tempête ou l'évocation des enfers par Milton suscite un sentiment de plaisir, mais mêlé de crainte. En revanche, la vue d'une prairie pleine de fleurs, de vallons où serpentent des ruisseaux parsemés de troupeaux qui paissent, la description des Champs-Élysées ou encore la description de la ceinture de Vénus par Homère suscite également un sentiment agréable, mais joyeux et riant. Afin que les premiers spectacles puissent avoir sur nous l'effet qu'ils méritent, nous devons être dotés du sens du sublime. Et afin de goûter les seconds, il nous faut avoir le sens du beau. Les hauts chênes et les ombres solitaires dans un bois sacré sont sublimes. Les parterres de fleurs, les haies basses et les arbres taillés en diverses figures sont beaux. La nuit est sublime, le jour est beau. Et maintenant, un extrait du Sublime de Schiller, daté de 1798. Qui n'aime mieux l'éloquent désordre d'un paysage naturel que l'insipide régularité d'un jardin français ? Qui n'admire plus volontiers dans les plaines de la Sicile ce merveilleux combat de la nature avec elle-même, de sa vertu créatrice et de ses forces destructives ? Qui n'aime mieux repaître ses yeux des cataractes sauvages de l'Écosse et de ses montagnes brumeuses, de cette grande nature dont s'inspirait Ossian, que de s'extasier dans cette Hollande tirée au cordeau devant le laborieux triomphe de la patience sur le plus opiniâtre des éléments ? On peut dire que le nôtre en prend pour son grade, en l'occurrence avec ce texte tiré du Sublime de Schiller. Elisabeth Décultot, qu'est-ce que disent ces deux auteurs, donc Kant et Schiller? Alors, ce que disent ces deux auteurs, c'est d'une part que le paysage recèle, notamment dans ces massifs montagneux les plus impressionnants, une puissance esthétique qui doit être mise en évidence, qui doit être théorisée aussi, en l'occurrence dans le cas de Schiller. La critique récurrente, tout particulièrement forte dans le romantisme allemand, du modèle géométrique français, du classicisme en fait, est aussi très, très importante. Elle est en fait à double... Enfin, on peut l'interpréter de deux manières. C'est d'une part, effectivement, une forme de critique de la rationalité, comme vous l'avez dit, Pierre Watt, tout à l'heure. Néanmoins, moi, j'insisterai aussi beaucoup, pour ce qui est du romantisme allemand, sur la dimension très rationnelle de ce romantisme. On y trouve aussi, par exemple, Novalis, qui était un mathématicien, un peintre de paysages comme Carl Gustav Carus, de la fin de la période, un élève donc de Caspar David Friedrich dans les années 1830, qui était lui-même géologue, médecin, et qui peint des paysages qui sont aussi des paysages, d'une part, qu'on peut lire comme les tableaux de Friedrich, donc des paysages de l'émotion, etc., mais des paysages extrêmement ordonnés où on peut distinguer, par exemple, les couches géologiques de la nature, enfin de la terre, etc. Donc il y a un rapport, disons, à la fois un peu ambigu, en tout cas pour le romantisme allemand, à cette question de la rationalité, et donc l'opposition du romantisme à la rationalité du XVIIIe siècle est un discours. Est un peut apprendre, je pense, avec une certaine distance. Périne Cavron. Oui, d'ailleurs, il y avait même des conflits au sein, même, enfin, entre les penseurs, entre les artistes. Je crois que c'est Goethe qui avait demandé à Friedrich de lui fournir des études de nuages pour qu'il puisse étudier les nuages. Et Friedrich n'était pas du tout dans cette idée de l'art et de l'utilisation de son art. Oui, effectivement, il y a une, sur cette question de la, en fait, de la représentation en quelque sorte rationnelle de la nature, un point souvent très polémique. Donc Goethe avait effectivement demandé à Caspar David Friedrich de lui faire une série de représentations de nuages en fonction des données d'un météorologue anglais d'ailleurs qui s'appelait Howard. Friedrich a refusé cette demande en expliquant que pour lui, il était absolument impossible de représenter les nuages en fonction d'une grille géométrique, d'une grille rationnelle prescrite en fait par la science météorologique. Ça a été la cause véritablement d'une brouille, d'une rupture radicale entre Goethe et Friedrich. Mais cette question donc, de la rationalisation de la nature est aussi très importante. Mmh. C'est aussi l'époque où Alexander von Humboldt est en train à l'université de Halle. Est en train lui-même de présenter une nature de forme rationnelle. Voilà. Il faut dire qu'il y a d'ailleurs une exposition qui se tient à Paris ces temps-ci, du côté de l'Observatoire, sur les frères Humboldt, justement. Pierre Watt. Oui, alors effectivement, je suis entièrement d'accord, il y a cette porosité permanente entre plusieurs mondes. Hein. Mm. C'est pour ça que je parlais d'autocritique de la modernité et pas cette opposition classique romantique un peu trop systématique, puisque du côté de la Grande-Bretagne, pour rebondir là-dessus, on sait que quelqu'un comme John Constable, qui paraît très proche de ce que vous avez lu de Keats, ou très proche comme ça d'une sorte de vision qu'on pourrait avoir du romantisme comme quelque chose de beaucoup plus sentimental, ou ça, et quelqu'un qui est éminemment savant, et notamment qui est un météorologue extrêmement compétent, qui a lu les traités de Howard, leurs adaptations, et qui a étudié les nuages avec une attention qui fait encore l'admiration des météorologues d'aujourd'hui. Tout ça n'est pas incompatible. C'est-à-dire que la science est un outil qui est présent en permanence, sauf chez quelqu'un comme Friedrich, qui a une position extrêmement radicale, effectivement, de ce point de vue-là, et singulière. Mais le romantisme, c'est la contradiction. Ce ne sont pas des gens qui sont d'accord entre eux, mais c'est vraiment, chez lui, la science est l'outil au service d'une compréhension supérieure du monde, puisque, in fine, qu'est-ce qu'on cherche dans la météorologie, qu'est-ce qu'on cherche dans la géologie, Constable aime la géologie aussi, ce qu'on cherche, c'est ce que Constable appelle l'architecte divin. Donc l'ordre est révélateur de quelque chose de supérieur. Périne Cavron. Oui, Yvon Le Scanf, vous évoquiez tout à l'heure la question justement de la mise en valeur de finalement ce qui au départ était considéré comme laid, c'est aussi dans cette direction, c'est-à-dire que finalement on se penche sur le côté terrible, le côté effrayant, le côté écrasant que peut avoir le paysage, et c'est ça qu'on met en valeur aussi. Oui, alors pour des raisons nationales, mais pour des raisons aussi de changement de paradigme, alors qui ont esthétiques, mais qui ont des racines aussi scientifiques, c'est l'émergence, et, j'allais dire, qui casse toutes les digues et toutes les bandes de l'infini. Et d'une certaine façon, si on peut à grands traits définir ce qui diffère du classique, du romantique, c'est cette question de la nature, c'est-à-dire dont le paysage est l'instrument de représentation. C'est-à-dire qu'on passe d'une certaine façon de la nature naturée, naturata de Spinoza, à la nature naturante, c'est-à-dire que on passe plus de l'imitation de l'apparence, mais d'une certaine façon de la force créatrice, de la productivité dont parle Schelling. Et ça, c'est capital. C'est-à-dire que, évidemment, à partir de ce moment-là, eh bien, les peintres romantiques vont chercher à montrer cette nature du dessous, cette nature naturante, qui fait que l'infini est perceptible dans le fini, mais le déforme infiniment et indéfiniment. Cette notion même de l'indétermination, du sfumato, et du sentiment du paysage. C'est-à-dire que la question de l'informe, d'un seul coup, prend forme, pourrait-on dire. Exactement. C'est-à-dire qu'on se dit, elle on peut légitime. Donner une image à l'informe, au vaste, par exemple, qui était considéré comme irreprésentable auparavant. Là, ça devient une catégorie esthétique, en l'occurrence, Yvon Le Scanf. Absolument, ça devient une catégorie esthétique et l'enjeu de stratégie, donc de subversion du cadre mais les historiens de l'art, ici présents, ont parfaitement analysé. C'est-à-dire qu'en effet, la peinture romantique se caractérise précisément comme le premier pas de la modernité, peut-être même picturale, c'est-à-dire que le contenu, le fond même, va attaquer la forme, va attaquer le cadre. Le cadre va déborder, le spectateur va être désorienté. Mais ça veut dire aussi qu'il faut revoir ce qu'on voyait auparavant, ou plutôt ce qu'on ne voyait pas, en l'occurrence, Yvan Le Scanf. Vous citez dans vos travaux, en particulier dans la critique de la faculté de juger Kant, qu'on a tout à l'heure entendu, par la voix de Nathalie Canoui, ce que nous nommons sublime par la culture ne paraît qu'effrayant à l'homme inculte. C'est-à-dire qu'il y a là, d'un seul coup, il faut voir ce que l'autre ne voit pas et que la culture permet de voir, en l'occurrence, Yvan Le Scanf. Oui, alors ça, c'est certainement une des choses qui a été oubliée dans la, j'allais dire, dans la postérité du sublime. Voilà, je pense que ceux qui vont faire des sports d'hiver ne sont plus touchés peut-être par cette... Et on retrouve en effet toute la différence entre pays et paysage. C'est-à-dire qu'en effet, pour celui qui cultive la terre, peut-être il n'y a pas ce recul esthétique nécessaire à l'appréhension du sublime qui reste une catégorie esthétique. Et en effet, c'est cette, j'allais dire, cette permutation du paradigme qui permet de passer du paysage laid au paysage sublime, c'est précisément cette distance esthétique qui est une distance, en effet, culturelle. Hein, du côté du sublime, on a aussi avoir une culture qui est justement liée à cette question même de la civilisation romantique. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi un rejet par ces courants du règne de l'Italie, de la Renaissance italienne, du paysage italien, et donc de ce paysage qui est si doux, si harmonieux, dans lequel on s'est tous roulés, et voilà, là on voudrait enfin autre chose. Et toute l'histoire de l'art s'est roulée depuis au moins la Renaissance italienne. Je sais pas, Pierre. Oui, alors il y a des exemples qui sont... Enfin, rejet là encore. Bien sûr. Oui. Regard et rejet. Oui, parce que Stendhal, qui fait ses voyages en Italie, fait aussi des voyages en France et se rend aussi du côté de la Bretagne où il trouve qu'effectivement cette mer déchaînée qui bat le sable, tout compte fait, ça a aussi ses vertus. Oui, donc Stendhal est à la recherche d'une forme de paysage à sensation forte, donc effectivement, il a toujours trouvé qu'à Paris il manquait des montagnes, bien qu'il aime pas beaucoup Grenoble. Mais on a des exemples, c'est-à-dire qu'on a évidemment des peintres qui continuent à aller en Italie, quelqu'un comme Turner s'inscrit dans le prolongement du Grand Tour, mais dans la version, il y a un historien de l'art d'aujourd'hui qui qualifie à juste titre Turner de touriste professionnel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va passer son temps à voyager, notamment en Italie. Friedrich ne va pas en Italie parce que ça abîme les yeux. Et quant à Constable, il ne sort jamais d'Angleterre, même lorsqu'il est invité à traverser simplement le Channel pour aller en France. Donc la question italienne, c'est comme la question océan, question de polarité. Effectivement, tout le monde y pense, certains y vont et certains n'y vont pas délibérément, et c'est un parti pris. Et Elisabeth Desculteau. Alors là, on touche aussi à une question, en fait, tout simplement de définition de ces catégories romantiques classiques qui sont des catégories largement a posteriori, des constructions historique, parce que dans le cas allemand, précisément, en fait, on peut dire que du point de vue du paysage, il y a en quelque sorte deux écoles. Il y a ceux qui restent en Allemagne, Caspar David Friedrich tout particulièrement, et qui le revendique hautement. C'est un refus vraiment du paysage italien, et aussi Filippo Torunghe. Et puis il y a les autres, et notamment les Nazaréens, ceux qu'on a appelés les Nazaréens, qui sont des peintres qui s'établissent en Italie, peignent beaucoup les paysages italiens. Et en fait, tous ces deux écoles, qui sont parfois d'ailleurs en conflit l'une avec l'autre, sont généralement regroupées sous la catégorie romantique. Voilà. Donc la chose est en fait beaucoup plus complexe que ce que l'on pourrait croire. Yvan Le Scanf, sur ce point ? Sur ce point-là, justement, c'est la grande critique qu'on peut faire, c'est qu'on a un romantisme, j'allais dire, d'apparence, un romantisme des profondeurs. C'est-à-dire que précisément, là, les Nazaréens, d'une certaine façon, imitent, j'allais dire, la nature naturée, c'est-à-dire des objets, des individus au sens large. Et si il y a une connexion entre l'homme et la nature, c'est dans, précisément, cette productivité profonde, où l'homme retrouve exactement, l'homme, le spectateur, mais aussi l'individu romantique, retrouve les mêmes forces de productivité. Je suis aussi cette nature, non pas en tant qu'objet, mais en tant que productivité infinie, moi aussi. Un texte de Heinrich von Kleist, lu par Nathalie Canoui, il date de 1810. Il est délicieux, dans une infinie solitude au bord de la mer, sous un ciel brouillé, de porter son regard sur un désert d'eau sans limite. Encore faut-il être allé là-bas, devoir en revenir, vouloir passer de l'autre côté, ne pas le pouvoir, être dépourvu de tout ce qui fait vivre, et percevoir néanmoins la voix de cette vie dans les grondements des flots, le souffle de l'air, le passage des nuages, le cri solitaire des oiseaux. Mais il faut pour cela une exigence du cœur, et cette déception, que pour m'exprimer ainsi, la nature vous inflige. Mais tout cela est impossible devant le tableau. Et ce que je devais trouver dans le tableau lui-même, je ne le trouvais qu'entre moi et le tableau. À savoir, une exigence adressée par mon cœur au tableau et une déception que m'infligeait le tableau. Je devins ainsi moi-même le capucin. Le tableau devint la dune, mais l'étendue où devaient se porter mes regards mélancoliques, la mer, était totalement absente. Rien n'est plus triste et plus pénible que cette situation dans le monde. Être la seule étincelle de vie dans le vaste empire de la mort. Être le centre solitaire d'un cercle solitaire. Et comme dans sa monotonie et son absence de rivage, ce tableau n'a que son propre cadre pour premier plan. On a, quand on le regarde, l'impression d'avoir les paupières coupées. Quel texte magnifique, Elisabeth Décultot. Oui, c'est un texte, un des plus beaux textes, je crois, de Kleist, et peut-être aussi un des plus beaux commentaires de peinture, de paysage de l'époque. Il s'agit en fait de la réflexion, des réflexions de Kleist sur Le moine au bord de la mer, de Caspar David Friedrich, un tableau qui a beaucoup impressionné les contemporains, qui a été vu par beaucoup de visiteurs qui ont vu ce tableau dans son atelier, et qui a suscité, donc réaction qui montre bien l'effet très déroutant de ces représentations de paysages de Friedrich. Donc ce sont en fait trois bandes de couleurs horizontales, superposées, et puis un moine, un capucin, un personnage énigmatique au milieu. Donc Johanna Schopenhauer, la mère de Schopenhauer, donc, s'est dit totalement déroutée par ce tableau, n'a pas compris la construction, la superposition de ces strates échappait en fait aux règles classiques de composition du paysage. Et Kleist lui-même, dans un très beau texte, dit à la fois son admiration pour le tableau, mais en même temps son incompréhension et la violence vraiment qu'il ressent face à ce tableau extrêmement déroutant. Donc je trouve ce texte effectivement remarquable. Pierre Watt. Oui, c'est le texte talismanique pour nous tous. Une beauté, vous je crois qu'on le réentend, qu'on connaît par cœur. Il y a des variantes de traduction, c'était un bonheur de les écouter. Ce qui est très frappant, évidemment, c'est cette fameuse image. Hein. On est comme quelqu'un à qui on aurait coupé les paupières. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, on est comme quelqu'un à qui on aurait coupé les paupières. Cette sorte de cadre de l'œil qui limite la vision et qui fait qu'on est dans une sorte d'illimité. On est à la fois dedans et dehors, encore faut-il y aller, encore faut-il en ressortir. Parce que si on n'en ressort pas, ça existe aussi dans le romantisme, ça s'appelle la folie, c'est l'homme qui croit qu'il peut être dans le tableau. Mm-hmm. C'est toute l'utopie du romantisme qui s'exprime dans ce texte magnifique, c'est-à-dire des peintres qui tentent d'offrir par la peinture une expérience empathique absolue, tout à coup... Et physique, oui, c'est-à-dire tout à coup pouvoir reconstruire l'unité perdue, tout à coup nous ne sommes plus jetés hors du Jardin d'Éden, nous sommes de nouveau à l'intérieur, mais nous en ressortons. Alors, ce qui est extrêmement frappant, évidemment, c'est que cette image des paupières coupées, c'est une image qui, ça c'est les mystères d'une sorte de Weltanschauung qui voyage entre des gens qui ne se connaissent pas, c'est que à peu près à la même période, quelques années plus tard, Turner, qui ne connaît évidemment pas ni ce tableau, ni cet homme, peint d'abord à Rome, puis retravaille à Londres, un tableau qui s'appelle Régulus, dans lequel on voit une sorte de port extrêmement éclairé, aveuglé, qui fourmille de personnages et qui est très à la manière de ce Claude Lorrain qu'il admire tellement. Oui. Et pendant très très longtemps, on s'est demandé dans tous les petits personnages où était ce Régulus qui donnait son nom au tableau. Et un jour, un historien de l'art anglais, John Gage, a eu une hypothèse qui me paraît extrêmement pertinente. Il explique ceci. Régulus, c'est un militaire romain qui est en guerre contre les Carthaginois. Il est fait prisonnier par les Carthaginois, qui lui demande d'aller à Rome pour traiter des conditions de la paix. Qui dit, si tu échoues dans nos attentes, tu reviendras à Carthage et tu seras torturé. Donc il va à Rome, il négocie, il échoue et en bon soldat, il retourne à Carthage. Il est donc torturé. On l'attache face au soleil après lui avoir coupé les paupières. Et évidemment, il meurt dans l'atroce souffrance d'aveuglement. Et John Gage dit, mais il ne faut pas chercher Régulus dans le tableau. Il n'est pas dans le tableau, Régulus. Régulus, c'est nous. Il est devant le tableau. Et c'est exactement cette posture-là. Pour moi, c'est la posture de l'artiste romantique et du spectateur du tableau romantique. C'est-à-dire l'aveuglement des sens physiques, il faut fermer l'œil du corps pour ouvrir l'œil de l'esprit, Friedrich, qui permet d'aboutir à une vision supérieure. Périne Carbon. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup dans les tableaux de Friedrich, c'est cette confrontation de l'homme à la nature dans ce qu'elle a de terrifiant, dans ce qu'elle a d'inspirant. Il y a souvent cette figure de cette petite silhouette face à l'immensité. Mm-hmm. Elisabeth Desculteaux. Oui, c'est en fait l'un des aspects les plus frappants à la fois dans les tableaux de Friedrich et aussi dans toute la production théorique allemande de ces années 1800, c'est cette réflexion sur ce que c'est que de voir et notamment d'observer un tableau, et cette réflexion sur la représentation picturale et surtout sur le spectateur qui regarde le tableau s'incarne tout particulièrement dans la peinture, dans les tableaux de paysage. August Wilhelm Schlegel, par exemple, au même moment, produit des textes sur la saisie par le regard du spectateur de l'apparence, donc de l'apparence des personnages dans un tableau. Et Friedrich, lui, thématise directement cette question en représentant assez systématiquement dans ses tableaux des personnages, le dos tourné, qui observent eux-mêmes en quelque sorte, qui semblent en tout cas observer le tableau qui nous est nous-mêmes donné à voir. Et cette mise en abîme en fait du regardeur du tableau dans le tableau est un procédé, assez systématique chez Friedrich et particulièrement intéressant quand on le connecte à ses réflexions théoriques sur la peinture de paysage et sur l'acte de les regarder. Yvan Le Scanf. Oui, et là encore, c'est un élément très intéressant pour distinguer ce qui ce qu'on considère comme classique ou romantique. C'est-à-dire que la présence et non de personnages dans la peinture n'est pas quelque chose évidemment de nouvelle. En revanche, ici, il fait écran, double écran d'une certaine façon. Peut-être pour, alors il y a plusieurs interprétations possibles, peut-être pour signaler justement qu'il n'y a paysage que s'il y a sentiment du paysage. Donc forcément, point de vue. Point de vue à la fois subjectif et à la fois justement immanent, puisque l'homme est cette nature dans les couches profondes. Mais aussi, je pense que ce qui est très intéressant à constater, c'est que même si on retrouve des éléments classiques, ils sont interprétés par le prisme du romantisme. Ben, chez Corot, on le voit très très bien. S'il y avait peut-être un peintre romantique qui n'est pas compris en France, c'est peut-être Corot. C'est-à-dire que justement, que ce qui est réévalué, même du classicisme, est réévalué par une conscience romantique, une conscience de la perte. Le paysage romantique de chute permet de retrouver une nature perdue. Et on retrouve en effet la théorie de Schiller sur le poète naïf ou le poète sentimental. Si, d'une certaine façon, le classique est un poète naïf, c'est à grands traits, le romantique est un poète sentimental, c'est celui qui recherche la nature perdue pour la retrouver et pour retrouver son unité. Mais il a besoin de ce schisme au départ pour pouvoir justement regarder. Il a besoin de cette coupure entre sujet et objet pour pouvoir regarder, mais il a besoin de se fondre dans l'objet pour pouvoir être lui-même et se retrouver et que le paysage soit nature. Pierre Vatt, on ne peut pas séparer ces peintres théoriciens du paysage, théoriciens eux-mêmes qui ne peignent pas de leurs contemporains et même de leurs aventures personnelles. Vous expliquiez tout à l'heure que certains sortent de leur pays, d'autres ne sortent pas de chez eux. Mais néanmoins, ils marchent, ces gens-là. Ils sont en marche, ils montent sur le sommet des montagnes, ils se promènent, ces contemporains tout de même de la découverte à la fois des Alpes par Saussure ou par d'autres. On est dans une découverte du sommet. Donc, et cela, ça n'a pas de... Alors, on ne sait pas, c'est un peu comme l'œuf ou la poule, si c'est l'un qui produit l'autre, si c'est la peinture qui crée le marcheur, si on va retrouver ce que l'on a vu dans les tableaux de Friedrich en s'y promenant, ou si au contraire, c'est parce qu'on s'y est promené que Friedrich finit par le peindre. Enfin, en tout cas, ça marche ensemble, pourrait-on dire, sans faire de mauvais jeu de mots, Pierre Vatt. Oui, c'est à la fois cette figure absolument centrale du romantisme littéraire et pictural qui est la figure du Wanderer, qui est la figure de... Alors, en général, on ne traduit pas, mais enfin, quelque chose de l'ordre de l'errance, de la pérégrination, du vagabondage, c'est-à-dire une sorte de déambulation qui n'a pas de but précis et qui finalement se justifie par l'expérience même du déplacement, plus que par le but. Ça, c'est une première chose. En même temps, on est vraiment dans un moment de découverte du monde, de bascule, si vous voulez. On parlait des Humboldt tout à l'heure. Je parlais de tourisme tout à l'heure. Il y a un texte dans la correspondance de Turner qui voyage donc énormément. Il voyage une vingtaine de fois sur le continent et une vingtaine de fois en Grande-Bretagne. Et les voyages de l'époque sont des voyages encore assez aventureux parce que quand vous êtes anglais et que vous allez en Italie et rentrer du côté du mois de février, ça signifie traverser le Channel, traverser la France, aller vers Grenoble, Grenoble, traverser le Grand Saint-Bernard, il y a de la neige, et ensuite aller en Italie, et ensuite retour. Et il a des accidents, etc. Et il loue l'invention de cet Écossais génial, M. Macadam, qui vient de contribuer au progrès de l'humanité, en permettant que les routes soient un petit peu plus sûres. Donc on est effectivement à la fois dans la découverte de l'inconnu, et des catégories comme le sublime ou comme le pittoresque, ce sont des catégories qui se développent aussi avec une forme de tourisme qui commence à devenir un tourisme de masse. Le Grand Tour, c'était une histoire d'aristocrates, voilà, de quelques-uns, de happy few comme dirait Stendhal, qui vont effectivement en Italie voir des choses. Là, ça devient du tourisme, on se met à faire des guides, y compris pour les artistes, bien pour sûr. Expliquer où ils doivent aller, ce qu'ils doivent voir, ce qu'ils doivent peindre, ce qu'ils doivent ramener, et commercialement, notamment en Grande-Bretagne, ce qui peut marcher. Donc on est à la fois dans une sorte d'invention au sens archéologique, de nouveaux paysages qu'on vient rapporter. En même temps, il y a cette question de la pérégrination. Vous dites, il marche. Constable, qui ne voyage pas, il marche. Il marche autour, si j'ose dire, du clocher de son village. C'est-à-dire que lui, qui va passer une très grande partie de sa vie essentiellement à East Bergholt, son village natal du Suffolk, où il va revenir, finalement, le monde qu'il explore, hein, à sa façon, son macrocosme et son microcosme à lui, c'est un monde à distance paroissiale qu'il va parcourir à pied. Parce que l'important pour tous ces gens-là, dans le romantisme justement, c'est, au-delà de ce tourisme apparent, de connaître la chose en l'expérimentant par le déplacement de son corps au sein du paysage. Périne Cavran. Et justement, cette question de l'expérience, est-ce que ces peintres qui se promènent, qui regardent, qui peignent, est-ce qu'ils suivent aussi toute l'élaboration théorique écrite autour de cette question du paysage dans la peinture, ou est-ce que finalement ces gens ne travaillent pas vraiment ensemble? C'est-à-dire que est-ce que ceux qui écrivent sur la peinture, sur le paysage, est-ce que ceux qui peignent le paysage, est-ce que ceux qui sont des poètes et qui écrivent, qui décrivent la nature, est-ce que ces gens travaillent ensemble? Est-ce qu'il y a une émulation, ou est-ce que finalement ça se croise comme ça, et nous aujourd'hui on voit que on les assemble au même moment, on les assemble, mais est-ce que finalement cet assemblage n'est pas un peu artificiel? Elisabeth Descultes. Oui, en tout cas pour les peintres et les théoriciens allemands, assurément, ils travaillent ensemble. D'abord parce qu'il y a tout simplement des cercles qui se constituent et qui mélangent les peintres, les poètes, les philosophes. Donc le cercle de Jena, par exemple, en Allemagne, qui était fréquenté à la fois par August Wilhelm Schlegel, qui avait des contacts aussi, bien sûr, avec les peintres de Dresde. Donc ceux aussi qui séjournaient à ce moment-là à Dresde, donc Philippe Otto-Runge, etc. Donc il y avait en fait des contacts extrêmement étroits, et c'est sans doute une des spécificités d'ailleurs du romantisme allemand, c'est-à-dire que cette progression parallèle et parfois vraiment croisée des deux. Caspar David Friedrich lui-même a produit des réflexions sur ses propres tableaux, et puis surtout Philippe Otto-Runge a produit une correspondance énorme dans laquelle on peut par exemple déceler sa lecture de Schelling, qui était extrêmement présente. Donc ses réflexions sur la nature sont très directement liées à ce qu'il avait pu entendre en fait dans ses cercles romantiques, et notamment par Schelling. Alors, on ne va pas parler de romantisme sans parler de Hugo. La préface des Odes et Ballades, 1826, lue par Nathalie Canoui. Comparé un moment au jardin royal de Versailles, bien nivelé, bien taillé, bien nettoyé, bien ratissé, bien sablé, tout plein de petites cascades, de petits bassins, de petits bosquets, de tritons de bronze folâtrant en cérémonie sur des océans pompés à grands frais dans la Seine, de faunes de marbre courtisant les dryades allégoriquement renfermées dans une multitude d'ifs coniques, de lauriers cylindriques, d'orangers sphériques, de myrtes elliptiques et d'autres arbres dont la forme naturelle, trop triviale sans doute, a été gracieusement corrigée par la serpette du jardinier. Comparez ce jardin, si vanté, à une forêt primitive du Nouveau Monde, avec ses arbres géants, ses hautes herbes, sa végétation profonde, ses mille oiseaux de mille couleurs, ses larges avenues où l'ombre et la lumière ne se jouent que sur la verdure, ses sauvages harmonies, ses grands fleuves qui charrient des îles de fleurs, ses immenses cataractes qui balancent des arcs-en-ciel. Nous ne dirons pas où est la magnificence, où est la grandeur, où est la beauté, mais simplement, où est l'ordre, où est le désordre, Là, des eaux captives, où détournées de leur cours ne jaillissent que pour croupir, des dieux pétrifiés, des arbres transplantés de leur sol natal, arrachés de leur climat, privés même de leur forme. Partout enfin l'ordre naturel contrarié, interverti, bouleversé, détruit. Ici, au contraire, tout obéit à une loi invariable. Un dieu semble vivre en tout. Les gouttes d'eau suivent leur pente et font des fleuves qui feront des mers. Les semences choisissent leur terrain et produisent une forêt. Chaque plante, chaque arbuste, chaque arbre naît dans sa saison, croît en son lieu, produit son fruit, meurt à son temps. La ronce même y est belle. Nous le demandons encore. Où est l'ordre ? Choisissez donc du chef-d'œuvre du jardinage ou de l'œuvre de la nature, de ce qui est beau de convention, ou de ce qui est beau sans les règles, d'une littérature artificielle, ou d'une poésie originale. Voilà donc pour cette préface aux Odes et Ballades de Victor Hugo en 1826, Yvon Le Scanf. Comment, tout compte fait, ce qui a été une telle critique de l'art français finit-elle par devenir française, c'est-à-dire par l'intermédiaire des Hugo, des Nerval et des autres, c'est-à-dire que voilà, on était supérieur ou on se sentait supérieur en matière artistique grâce à cet ordre établi par l'art français et il y a des gens qui, en France, vont finir par être, entre guillemets, anti-français, jusqu'à renverser cet ordre et créer un nouvel ordre et accepter l'ordre voulu par ceux qui ont ailleurs, en Angleterre ou en Allemagne, inventé ce romantisme. Oui, c'est cette question, d'ailleurs, bon, on n'en a pas, on l'a juste effleuré, mais cette question politique qui, en France, va poser un problème, c'est justement le problème napoléonien. C'est-à-dire que ces romantiques sont en effet royalistes au départ. Napoléon, quand même, grand amateur d'Ossian, il faut quand même le rappeler oui, aussi, pareil. Oui, Ossian est interprété par Napoléon comme quelque chose de relativement néoclassique. Oui, c'est dans ce sens-là qu'il veut d'ailleurs qu'on fasse la promotion du patrimoine national. C'est-à-dire imiter des thèmes nationaux sur la, comme Ossian, hein, sous le mode océanique. Donc c'est en effet le grand souci pour le romantisme français pour s'imposer, parce que d'une certaine façon, l'art officiel va mettre des bâtons dans les roues des romantiques, avec le beau idéal, avec même le pittoresque d'une certaine façon, pour essayer de calmer cette ardeur à la fois du sublime et du romantisme, échevelé. Et donc il va finalement s'imposer plus tardivement et plus difficilement dans le public. Et le problème des cénacles dont parlait Elisabeth Descultos, justement, est le même. C'est-à-dire que les cénacles commencent à véritablement être proliférants dans les années 1828-1830, au moment où, en effet, l'art de l'étranger devient petit à petit un art national par imitation. Et parce que Hugo est un grand admirateur, par exemple, du Paradis perdu de Milton, et donc il va chercher dans Milton, justement, cette inspiration, en particulier pour la ruine, ce qui pourrit, ce qui est détruit, qu'il va lui-même utiliser dans ses propres tableaux, peintures, enfin, croquis, en l'occurrence, Hervat. Il y a une très jolie histoire à raconter, qui est la façon dont la France s'approprie, en léger décalage chronologique, le romantisme essentiellement dans la version d'ailleurs venue de Grande-Bretagne, pour progressivement en faire une spécificité de l'art français, en faisant en sorte de faire oublier une sorte de tour de passe-passe que ça vient d'Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a un bref moment d'anglomanie. Enfin, la perfide Albion n'est quand même pas tout à fait notre ami. Et donc, on avait plutôt l'habitude que ce soit les Anglais qui viennent chercher chez nous les normes du bon goût. C'est tout à fait intéressant, parce que l'histoire est très connue. C'est en 1824, a lieu à Paris le Salon, qui est l'exposition qui a lieu tous les deux ans, la grande exposition d'art. Et il y a au sein du Salon ce qu'on a appelé rétrospectivement le Salon anglais, c'est-à-dire la présentation de plusieurs œuvres de peintres anglais au Salon, qui font une sorte de sensation avec un débat entre les critiques qui sont contre, les peintres qui sont pour. Et notamment, il y a plusieurs tableaux de John Constable, dont tableau que les Français connaissent sous le nom de la charrette de foin, qui devient un peu l'emblème de l'Englishness de l'art anglais. Et il y a un texte de Stendhal qui montre toute l'hésitation française du moment. Stendhal, a priori, est plutôt un partisan de Shakespeare contre Racine, un petit peu la même chose que vous venez de dire pour Hugo, le désordre contre l'ordre, soi-disant, mais qui, en matière d'art, est beaucoup plus conservateur que ça. Il écrit des choses pas très sympathiques sur Delacroix au même moment. Et il écrit à propos de ce tableau, il est vrai que ce tableau est, enfin, il est exact que ce tableau est vrai comme un miroir que l'on promènerait le long d'un chemin. Alors ça, c'est la métaphore qu'il utilise dans Le Rouge et le Noir pour définir le roman, donc c'est le compliment absolu. Mais l'on aimerait que ce miroir fût promené le long d'un site plus sublime, comme par exemple le Val de la Grande Chartreuse près de Grenoble. Oui, donc j'aurais préféré mon paysage d'enfance à cette vallée ennuyeuse. Donc on reste dans cette espèce d'ambiguïté qui est, c'est bien, c'est ressemblant, mais c'est ennuyeux, un petit peu ce côté déconcertant, il ne se passe rien. Et quelques années plus tard, ça va devenir une des caractéristiques de l'art français, valoriser la manière de peindre plutôt que le sujet, et on oubliera que ça vient d'Angleterre. Périne Cabron. Et alors qu'est-ce qui se passe justement en matière de peinture de paysage romantique en France? C'est-à-dire quand on pense au romantisme, on pense à Delacroix, on pense à... Voilà, le paysage est assez absent finalement. Peut-être que cet aspect-là n'est pas passé dans la peinture en France en tout cas. Ah, il y a Corot tout de même. Alors, oui. C'est plus tard. Qui veut intervenir? Alors, j'allais dire justement que Corot était quand même une figure quand même majeure de la peinture de paysage romantique et que cette concurrence, de Corot avec les peintres de paysage allemands établis sur le sol italien est assez intéressante. C'est-à-dire que l'image que Hugo dessinait dans le texte qui vient d'être lu, donc une opposition entre des paysages très ordonnés d'un côté, les paysages classiques français, et puis ces nouveaux paysages romantiques, s'inversent quasiment sur le sol italien lorsqu'on est en présence de ces nazaréens romantiques allemands qui ont tendance, au contraire, à peindre des paysages de la campagne romaine avec une précision dans les traits, une propreté en quelque sorte dans les lignes qui paraît presque classique, et d'autre part, les touches très puissantes de Corot qui saisit les paysages, lui, au contraire, à la même époque, avec vraiment une facture tout à fait différente. Donc, encore une fois, je serais assez sceptique aussi sur, disons, l'usage... des classifications. Voilà, de ces classifications. Très brièvement, Yvon Lescamp, parce qu'on arrive au bout de l'émission. Oui, c'est pour reprendre un peu le texte de Hugo aussi, c'est-à-dire que on voit bien, il y a deux éléments fondamentaux dans le texte de Hugo qui reprend tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que en effet, il y a cette idée que nous aussi, romantiques, on suit un ordre, mais c'est pas le même que vous, classiques. C'est l'ordre de la nature, l'ordre de la productivité naturelle que l'on suit et que l'on met au jour. C'est-à-dire que on participe à l'émergence de l'expression, comme le peintre va exprimer son moi intérieur et va retrouver précisément une convergence et une analogie avec la nature. C'est un autre ordre. On peut faire la comparaison avec Soro, qui de l'autre côté de l'Atlantique, du côté des États-Unis, réinvente cette notion aussi de la nature naturante à la même époque. Voilà, exactement. Et juste un dernier point, c'est l'autre point important, c'est cette question aussi très importante là, en effet, par rapport à l'art antique et classique, c'est-à-dire que le romantisme vide. Donc on retrouve les deux éléments. On vide la nature de toutes ces espèces de tritons et de représentations allégoriques de la nature pour retrouver la nature. On la retrouve, et là on retrouve donc deux aspects très importants. La négativité et la magnificence qui sont peut-être les deux pôles du paysage romantique. Merci en tous les cas à tous les trois d'avoir été aussi clairs pour éclairer nos auditeurs sur cette naissance du paysage romantique. Le paysage romantique et l'expérience du sublime, c'est votre livre chez Jean Vallon dans la collection Pays, Paysages chez Jean Vallon, Yvon Lescamp. On peut lire effectivement de vous, Pierre Vatte, non seulement Naissance de l'art romantique en chant, donc Flammarion, mais également votre dernier livre qui s'appelle Turner, menteur magnifique chez Azan. Et puis on peut vous lire effectivement, Elisabeth Desculteaux, pour peindre le paysage, discours théorique et renouveau pictural dans le romantisme allemand. C'est aux éditions du Lérault. Merci également à Nathalie Canoui et à Périne Carvon. On se retrouve demain, Périne ? Oui, on se retrouve pour demain. Pour évoquer donc plutôt... La naissance du paysage. Ouais. Est-ce que c'est à la Renaissance ? Est-ce que c'est avant ? Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marseille. Dalilia était à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Donc à demain, vous pouvez écouter les émissions de France Culture et La Fabrique de l'Histoire en particulier sur notre site www.franceculture.fr. Et pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des places pour, la salle du jeu de paume ce soir, puisque c'est plein, nous avons rendez-vous à 18h pour interroger donc avec l'historien Vincent Azoulay Alain Juppé sur son imaginaire historique à la salle du jeu de paume à Versailles.